Yaya, passé pour les ethnies, les Bayaka, Bakouni, Balari, Bafili, Bantangi, Babembe, Bateke, les Mboshi et les noms cités Mboté. Nord au sud, est ouest, l'union contre les vols à attitude. Car dur devient l'atmosphère où les lignes sont rudes. Divisé pour mieux régner, mais vivre en unité, voilà ce que l'Afrique voudrait. On fait pour la communauté, Bantou na Bantou. Ouais, tous dans la même galère, ma colère a l'air libre. Tout travail mérite salaire, je vibre. Quand les frères boxent pour un bout de territoire, t'as dans la main le calibre pour exploser l'histoire. Trop de boycott, des règlements de compte. Les gens ont les larmes à la place des mots. Bisson abisso, bisson pour la démo. Plus de kilos de poigne dans mon flow. Grâce à l'Union Tintoire, je souhaite que ce soigne mon beau Congo. Et...